traverser les océans de larmes, tomber dans les torrents de ses charmes. C'est trop pour un homme sans âme, c'est la lumière qui m'alarme. C'est son épiderme et sa sueur qui s'échappe de ses pores au contact de son corps et à la vue de sa lueur. C'est le terme que j'évite au détour d'innommables souffrances. C'est un coup bas qui s'élance aux confins d'une idée qui germe. C'est un idéal de douleur pour la chair en permanence. Oui, la rivière d'insolence en dépit d'une simple couleur. Les prémices d'un extrême où tout s'efface et tout s'oublie. Les délices en un mot, une trêve où l'impossible s'accomplit. Traverser les océans de l'âme, puis se lever dans ses bras. Vie revoltée de bas en haut et ensuite de haut en bas. La fureur dans le silence et la pénombre dans la chambre. Là où tout commence en l'élan de ces ombres qui se cambrent. Un détail qui a son importance. En partance du port de plaisance, du bétail, un de plus qui suivra la cadence. Dans le monde, simplement en France. Dévouer son âme à la science, c'est un geste pour l'humanité. Humblement quand on y pense, la sérénité m'envahit quand j'évalue ma récompense. Un de plus ou un de moins, qu'importe, l'univers a tous ses droits. À côté des croyances établies, le naturel dicte ses lois. Un peu d'humilité sur cette planète pour qu'elle retourne à l'endroit. Un peu de bon sens dans le savoir-vivre, le libre arbitre et le choix. Un peu d'amour pour les plus démunis d'entre nous. Un peu d'amour pour ne pas devenir fou. Un détail qui a son importance. En partance du port de plaisance, du bétail, un de plus qui suivra la cadence. Dans le monde.